Son Altesse le Chat, par Henri de Varigny. À cette bête si fine, si délicate et aristocratique dans ses instincts et sa tenue, il faut une désignation qui sorte du commun. Altesse peut aller. Pourtant, il en est de bien des façons, des altesses. J'aimerais mieux encore her ladyship, sa seigneurie, car ces désignations n'impliquent pas seulement la naissance, elle la pourracine un mot qui indique la distinction personnelle et native. Le chat est un animal ladylike. Il a, quelle que soit sa naissance et son milieu, les instincts raffinés, et dans toutes les conditions, dans tous les milieux, il impose, par sa tenue personnelle, ses attitudes, sa dignité. Her ladyship a en outre cet avantage de marquer un caractère féminin, car la bête est essentiellement féminine par ses qualités et par ses défauts, lesquels sont d'ailleurs charmants. Il est vrai, le chat a ses détracteurs. J'ose dire toutefois que ceux qui en parlent de façon défavorable ne le connaissent point et n'ont pas pris la peine de l'étudier comme il convient. Mal parler du chat, c'est en réalité proclamer certaines insuffisances et avouer qu'on ne possède point certaines vertus. Vertu vous paraît un grand mot? Mettons aptitude pour ne blesser personne. Pourtant, il faut le constater, le chat gagne du terrain en France. On s'en occupe davantage, et le succès des expositions félines est là pour en témoigner. Il s'en est ouvert une ce matin même au jardin d'acclimatation, et sans nul doute, trouverez-vous le temps d'y aller d'ici à lundi soir, date de la clôture. La chose mérite d'être vue. On a beaucoup écrit sur le chat, et l'animal a une longue histoire encore que très accidentée. Car si trop souvent il a été honni et calomnié, et cruellement maltraité par tant d'imbéciles qui voyaient l'emblème des œuvres ténébreuses et le familier des sorcières, et par tant de lâches, adultes ou enfants, qui prennent un ignoble plaisir à infliger la souffrance et en être cause ou témoin, le chat a connu les honneurs divins. Un peuple fin et doux, l'Égyptien, l'adora, et chez lui le mot, le miaou, était consacré à Bast, protectrice de Bubast. C'était une des divinités du foyer, et quand il mourait, dit Diodore, la famille se rasait les sourcils en signe de douleur. On l'embaumait aussi. Il y a quelques années à peine, plusieurs milliers de chats, 75 000, si je ne fais erreur, furent extraits de nécropoles égyptiennes, entourés de leurs bandelettes, et exhalant encore le parfum des aromates et expédiés en Angleterre. 75 000 dieux, qui furent répandus sur les champs d'Albion pour les fertiliser, et grâce aux lois de la mutation de la matière, se métamorphosaient en herbes et en légumes, lesquels devinrent viande de boucherie pour se transformer enfin en des Anglais. Car un chat mort, c'est de l'azote fixé, et cela présente une valeur commerciale, comme chacun sait. Pauvres animaux, avoir été dieux, avoir vécu choyé et aimé sous le limpide ciel égyptien, et se réveiller dans les brumes de la Manche, sous les espèces d'un simple homme. La piteuse chute, la fâcheuse métamorphose. Les Mahométans de l'Inde ont encore beaucoup de respect pour le chat. C'est un malheur que d'en tuer un. Ce crime appelle des réparations et purifications compliquées, car le chat est une des formes matérielles de Shashti, protectrice des enfants. En Europe, l'animal a compté et compte encore de nombreux amis. Et si l'on ne le vénère point, car en ce temps, la bosse de la vénération va s'atrophiant grand train, beaucoup l'aiment tendrement, ceux du moins qui le connaissent et le savent prendre. Des poètes l'ont chanté. Le Tasse lui voulait emprunter la mystérieuse lumière de ses yeux, qui de nuit sont de vivants diamants. Baudelaire chanta les chants puissants et doux, orgueil de la maison, qu'aiment les amoureux fervents et les savants austères. La duchesse de Maine célébra leurs attraits si fins, si mignards de souplesse. Victor Hugo, Mérimée, Champfleury, Théophile Gautier ont proclamé leur grâce aussi. Richelieu n'avait pas trop de 14 chats pour oublier les soucis de sa charge. Joachim du Bellay fit encore une épitaphe bien connue à son favori Bello. Le col grasset, courte l'oreille, et dessous un nez ébénin, un petit mufle lyonnais. Vantant aussi son musequin damoiselet, et trouvant, pour caractériser la gravité de ses allures, cette comparaison, qui semble n'avoir guère souci du principe d'autorité, semblant, tant sa trogne était bonne, quelque docteur de la Sorbonne. Pour ne pas déranger sa chatte Muezza, Mahomet coupa le pan de sa robe, et ne sait-on pas aussi que pour le chat, un philosophe se fit poète, et qu'à ses trois favoris, puce, Ébène et Mitone, Taine, leur ami maître et serviteur, dédia 12 sonnets où il chante les grâces, la philosophie et le charme qui caractérisent le divin quadrupède aux pupilles étroites. S'il eut de tels amis, c'est que sans doute le chat les méritait. Voyons donc quelle raison il y a d'aimer le chat. Et ce faisant, de façon très succincte, je ne veux parler que d'après l'expérience personnelle, assez longue, d'un simple bipède à qui deux des quadrupèdes divins ont fait l'honneur rare d'accorder leur confiance et leur amitié, qui sont trésors de grand prix. Le chat ne s'attache pas aux gens. Il est incapable d'affection. Voilà ce qu'on raconte communément. C'est une erreur. Que le chat s'attache au lieu, cela n'est point douteux, car il est le foyer du foyer. Tandis que le chien, en accompagnant son maître, emporte en lui-même une partie très attachante et intime de la demeure et constitue en quelque sorte le foyer ambulant. Le chat, lui, qui ne sort guère et a coutume de se tenir auprès des gens au lieu de réunions habituelles, au milieu d'eux, devant le feu, au centre même du cercle, comme le génie du dieu, le chat symbolise plutôt le point médian de l'assemblée familiale. Il s'en fait le pivot. Mais cela n'empêche pas que son affection pour les gens est très certaine et souvent touchante. Ne lui demandez pas d'aimer également tout le monde. Il a tout naturellement pour préférer ce qu'il aime le plus et le mieux. Ceux surtout qui savent l'aimer comme il veut être aimé, car c'est là l'essentiel. Si ceux-là viennent à disparaître de son horizon, s'ils cessent de se montrer dans le cercle habituel, l'animal s'en aperçoit bien vite, et il porte ses plaintes aux échos des alentours. Les murs sont pourtant là, rien n'est changé, son ami seul lui manque. Il va de soi que je ne parle ici que du chat qui est réellement aimé et bien traité. Celui dont on ne s'occupe pas, à qui l'on n'accorde ni caresse ni égard, se soucie peu des gens et souvent on le verra s'attacher à la maison plus qu'à ses habitants et lui demeurer fidèle par habitude, comme les rats ou les souris. Le chat peut aimer les gens, ceci aussi est certain, mais il est certain qu'il s'attache avec peine et que pour conquérir son amitié, il faut des efforts. Si donc vous avez le désir de nouer une amitié permanente avec le chat, il faut bien vous pénétrer de deux principes. Le premier, c'est que le chat ne rend exactement que ce qu'on lui donne. Il n'a point la charité chrétienne qui fait que lorsqu'il a reçu une tape à droite, il tend le côté gauche pour en recevoir une autre. Vous non plus, peut-être. Non, il rend avec usure, si possible, et il se méfie désormais. Le second, c'est qu'il est essentiel de gagner sa confiance. Le chat est très soupçonneux. Il a été si souvent pourchassé, et il ne s'attachera que s'il est sûr de vous, s'il sait pouvoir compter sur vos égards, s'il sait que vous ne lui jouerez jamais de tour. Reprenons ces deux points. Le chat rend ce qu'on lui donne. C'est dire que chacun fait son chat son image. On peut le faire joueur, malicieux, hargneux, mais on peut le faire très tendre aussi. Pour cela, il faut l'aimer et lui témoigner de la tendresse. « Belle affaire que cette tendresse !» crie quelqu'un. « Ce sont des victuailles qu'il faut lui donner. » Le chat s'attache à qui le nourrit, et voilà tout. Si c'est là ce que vous appelez de l'amitié. Ce préjugé est vieux comme les rues, cher monsieur. Ceux qui connaissent les chats savent sa valeur. Non, le chat ne s'attache pas à la main qui le nourrit quand cette main ne fait que le nourrir. Il s'attache avant tout à la main qui le caresse et le flatte, à la voix qui lui parle avec douceur. Ce n'est pas à la cuisinière qui lui sert chaque jour son repas qu'il donne son affection. C'est à celui de ses maîtres, qui lui réserve toujours bon accueil, qui a toujours une place pour lui sur ses genoux, sur son épaule ou sur sa table, à côté de lui. C'est pour celui qu'il a toujours traité avec bonté et n'a jamais trompé sa confiance. Voulez-vous un chat tendre? Soyez-lui invariablement tendre et caressant. Et sous l'influence de l'affection, il deviendra très affectueux, affectueux au point d'en être encombrant, car vous ne pourrez vous asseoir sans qu'il s'élance sur vos genoux. Vous ne pourrez vous lever sans qu'il saute sur votre épaule. Vous ne pourrez lire au lit sans qu'il se roule sur votre personne ou écrire à votre table sans qu'il se vienne camper sur le papier. Et dans chaque cas, ce seront de tendres miaulements, arrondis par le ronron qui sert à témoigner la satisfaction intime. Ce seront de grands gestes affectueux qui consistent à frotter le petit museau couvert de fines fourrures contre votre visage. Ce sera le pelotonnement du corps souple et chaud dans la position la plus satisfaisante, tandis que les pattes piétinent de joie. Le chat est affectueux et caressant, quand on est affectueux et caressant avec lui. Il rend la monnaie très exactement, voilà la vérité. Pour ce qui est de la confiance, j'en viens au second point. Vous la lui inspirerez sans peine si vous le voulez. Le tout est de ne jamais lui jouer de tour, de ne point le tromper. Corrigez-le quand il le faut, ne l'effrayez pas inutilement. Et alors il sera parfaitement confiant, parfaitement sûr de vous. Il le sera peut-être trop, car ne prévoyant point vos erreurs ou distractions, il en sera parfois victime. Habitué à vous voir détourner vos pas, quand il est dans votre chemin pour ne le point blesser, il restera souvent en position périlleuse pour lui, que l'obscurité vous empêche de distinguer. Mais le chat est ingrat, c'est bien connu. C'est de votre faute, vous ne savez point manier la bête. Un chat qui reçoit une friandise ou une caresse par hasard ne peut guère en conserver une reconnaissance éternelle. Le feriez-vous? Le faites-vous? Il lui faut des démonstrations réitérées, car le souvenir des frayeurs ou des coups d'hier ne s'efface point devant l'acte de bienveillance isolé d'aujourd'hui. Le chat a la mémoire longue, comme les humains. Mais le chat est cruel. Il se met à l'affût pour tuer les petits oiseaux, je l'ai vu, sans doute. Mais vous vous y mettez bien pour en tuer de gros et de petits, je vous ai vu aussi. Mais je ne vois pas que le chat en use avec ses semblables, avec la cruauté qui préside si souvent au rapport entre les hommes. Et cette cruauté que vous désapprouvez vis-à-vis des oiseaux vous laisse assez froid quand il s'agit des souris qui ont grignoté vos provisions. Les vôtres, celles du voisin, c'est autre chose. Au reste, ce jeu du chat qui s'amuse de la souris n'est pas un jeu. C'est un exercice salutaire pour le chat, imposé par la providence, quelque chose comme les grandes manœuvres de la race. Mais je reviendrai quelques jours sur ce sujet. Il est voleur, pas nécessairement. Mais quand on ne le nourrit point, il gagne sa vie comme il peut, même par des moyens déshonnêtes, et je ne vois pas que l'homme ait des titres spéciaux à lui reprocher ceci. Il ne faut pourtant pas demander aux bêtes des perfections que notre espèce ne présente point. Ce qu'on peut demander au chat, c'est l'affection. Ceci est bien positif et j'y insiste. Quiconque a pratiqué l'espèce pourra confirmer cette assertion. Un chat bien traité, caressé et à qui l'on a su inspirer confiance peut donner et donne des témoignages de tendresse évidente. Il donne aussi un plaisir très vif aux yeux, car la bête est d'une grâce incomparable. Quelle harmonie parfaite dans la proportion et la structure, quelle élégance et quelle variété dans les attitudes. Jamais rien de disgracieux ou de ridicule, rien qui sente l'effort, jamais un mouvement qui ne soit parfaitement juste. Elle possède par essence le tact du geste, faisant avec exactitude ce qu'il faut, avec grâce aussi, sans exagération, de façon souple et aisée, toujours avec mesure, toujours maîtresse de ses mouvements, admirablement consciente de ce qui l'entoure, se mouvant au milieu des obstacles, sans rien heurter, sans rien briser, avec une facilité qui émerveille souvent. Au repos, elle n'a pas moins de charme. Enroulée sur elle-même, de façon qu'elle semble n'être qu'une boule de fourrure, c'est l'image du bonheur paisible, du confort, du bien-être matériel. Elle se déroule et s'allonge. Et voilà les grandes pauses abandonnées du feu bautin qui retourne nonchalamment la tête pour voir quel objet ose s'agiter. Debout sur le coin de la table, la queue soigneusement ramenée et collée contre les hanches, le bout venant poser sur les deux petits pieds de devant correctement accolés et présentant un petit frémissement occasionnel. Debout, la tête posée droite et un peu enfoncée sur le corps, les yeux mi-clos, c'est le philosophe qui songe. Les événements se déroulent autour de lui, il n'y prend point garde. Il suit quelques rêves. Approchez, appelez-le, et les paupières s'écartent, laissant voir ses yeux admirables et profonds qui semblent avoir vu tant de choses et de si mystérieuses qu'ils en sont restés pleins de gravité. Caressez-le, et le voilà qui parle son langage intime et tendre, en miaulement étouffé, très doux, tandis que son corps tout entier frémit d'aise. Votre roue est sans fin, près de la cheminée, et l'écho bourdonnant d'un rêve harmonieux, et que les poils de son museau vibrent à l'unisson et sa queue éloquente à le divin frisson. Puis il s'accroupit et est ramassé sur lui-même, les deux pattes de devant recourbées sous la poitrine, il semble un sphinx qui médite et laisse passer les choses et le temps. C'est une bête exquise que le chat, exquise pour les yeux, et quand on sait s'y prendre, pleine de tendresse. Mais elle est trop aristocratique, trop raffinée, pour être généralement appréciée et comprise, trop nerveuse et sensible pour pouvoir supporter tous les contacts. C'est un art que de conquérir un chat. On ne le dompte point, on ne l'asservit point, car c'est l'animal épris d'indépendance et de liberté avant tout, et la violence ne peut rien sur lui. On le prend par la bonté, par la tendresse, par les égards, par une immuable probité dans les rapports. La conquête peut être longue, mais elle donne de vives satisfactions. Car c'est un plaisir, au retour du dehors, après s'être heurté aux choses et aux gens, de trouver à la porte une petite bête à la fourrure soyeuse, tiède, délicate, qui guettait le bruit de vos pas pour vous souhaiter la bienvenue, qui se dresse avec empressement, se caresse à vous en disant sa joie, vous saute sur l'épaule, vous embrasse à sa manière, vous réconforte et réjouit par son accueil. Et l'amitié du chat, ceci de particulier qu'elle ne veut point de témoins. Le chat qui cache ses amours ne montre pas son amitié en public. Pour la connaître, il faut le tête-à-tête, et alors elle est exquise. Vous riez. C'est que vous n'avez point eu l'honneur de connaître un chat. Cela n'est pas donné à tous, mais ceux qui le connaissent ne me démentiront point. Au lieu de rire, essayez plutôt « J'aime mieux le chien. » « Eh, monsieur, avez-vous donc le cœur si étriqué? On peut aimer l'un et l'autre, et bien d'autres encore, mais rappelez-vous bien ceci, votre chat sera ce que vous le ferez. » « Comme on traite son chat, on le fait. » C'était Son Altesse le Chat par Henri de Barigny.